Je m'ennuie et que je regarde les étoiles, je ne peux pas m'empêcher de rêver et d'imaginer ce que serait ma vie avec une fille. Je serais le plus heureux des hommes et je m'envolerai vers un nouveau quartier. Je les aimerai comme Dieu est aimé de tous les croyants. Et voici mon chant, une fille, celle que j'envie pour toute la vie. Et pour s'envoler avec moi toute la nuit. Une fille, c'est la plus belle chose que l'on puisse espérer dans ce monde entier. Oui, une fille. Je n'exagère pas, je vous assure que c'est ce que je pense d'elle. Je vous dis et je vous garantis que je les aime tout à ce point-là. Oui, une fille, celle que j'envie pour toute la vie. Et pour s'envoler avec moi toute la nuit. Une fille, c'est la plus belle chose que l'on puisse espérer dans ce monde entier. Oui, une fille. Qu'elle soit blonde, brune ou rousse, je les trouve toutes parfaites. Ce sont toutes les plus belles choses de la vie. Oui, une fille. Une fille. Mais moi, je suis seule. Seul à imaginer ce que serait ma vie avec une fille, celle que j'envie pour toute la vie et pour s'envoler avec moi toute la nuit. Une fille, c'est la plus belle chose que l'on puisse espérer dans ce monde entier. Oui, une fille.